c'est chaud, c'est chaud. Jeune blague de quartier, la vie en suffit. Arme dans la tête, on colle sa fusille. On colle, c'est chaud. Whisky pur dans ma canette, j'suis dans le bed, pas la galette. J'veux du bif dans la mallette et dans le game, tenir les manettes. Ma jeunesse, elle est pas nette, elle fout le feu à la planète. J'veux des 500 grammes par palette et les meufs veulent être des starlettes. Les petits frères, dites des barrettes et les kiss, des eux les arrêtes. Et moi j'vous mène à la baguette pendant que ta meuf baisse ma braquette. J'rappe mes textes sur une plaquette, les MC dansent des claquettes. J'rappe mon flow, il est raquette, bande de chiens, bouffer des claquettes. Arrête de prendre pour un bar, j'en sais très bien ta cité d'or. Nous à Montpellier, on a la rage, on est bien loin des cités d'or. Moi j'fais des vols à la rage, j'les fais fondre pour mon disque d'or. Puis je les découpe à coups hache, les autres sont des artistes morts. T'es le bienvenu dans ma ville, un petit pays, on roule en road. Ma musique 34 carats, taillée pure dans de l'émeraude. Ma musique c'est une ogive, compare là à une roquette. Tu peux voir un petit ma vie, 90 minutes l'enquête. On arrive, on débarque en furie, avec le rap de mort. C'est mon peul, ça fusille. Mon peul, le peul c'est chaud. Mon peul c'est chaud. Jeune blague de quartier, et on suffit. Le c'est le remix. Le pull c'est chaud. C'est chaud. Pour le produit, premier extrait. Mon pull c'est chaud. C'est le remix. Vincenzo. Aïe aïe aïe. 34 chaud. C'est le remix, ça fusille. C'est le remix. Mon pull c'est chaud. Mon pull c'est chaud.